You are listening to a True North Eager Beaver Media Incorporated podcast. Good morning, this is the Eager Beaver Show. You are listening to a True North Eager Beaver Media Incorporated podcast. The True North Eager Beaver podcasts are proudly brought to you by our founding sponsors, the Misfi Mysteries from Corvid Moon Publishing, your source for science fiction, fantasy, and cozy mysteries featuring a broad diversity of characters, CanadianTarot.com, your uniquely Canadian online eclectic tarot community, and the Peppermaster, hot pepper sauces made from farm-fresh ingredients to thrill your taste buds and expand your mind. Eh bien, salut tout le monde! Bienvenue à la troisième saison et l'épisode numéro 51 du projet d'interview de l'intrépide petit castor du vrai Nord, un balado qui fournit du commentaire incisif sur les scènes politiques et culturelles canadiennes. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 17 mars 2024 et ce fut une journée un peu grise ici à notre hutte, mais il y a eu des percées de soleil et pour ceci, je demeure très reconnaissant, car nous avions un peu de boulot d'art à accomplir pour bien accueillir le printemps. Je suis votre hôte, l'intrépide petit castor, pronom il, lui, et là, Monsieur Castor. Et je suis extrêmement heureux de pouvoir, pour la deuxième fois de notre histoire, réaliser une émission dans la langue de chez nous. Je suis également reconnaissant que vous ayez décidé de nous offrir votre attention. Comme vous le savez bien, nous serons bientôt en période de campagne électorale au Nouveau-Brunswick et nous nous concentrerons particulièrement sur la scène politique néo-brunswickoise cette année. Car si la tendance se maintient, comme le dirait Bernard, il y a des fortes chances que la province se dote d'un nouvel gouvernement. Et pour cette raison, nous avons avec nous aujourd'hui une invitée toute spéciale. Elle possède une vaste expérience en affaires, tant à l'échelle locale qu'à l'échelle mondiale, en leadership communautaire, en défense des intérêts provinciaux et nationaux et en développement des entreprises sociales. Pendant un certain nombre d'années, elle a œuvré au sein du gouvernement dans le domaine de la politique économique. Passionnée par l'engagement communautaire, elle est une bénévole active et une généreuse donatrice pour des organismes dont l'Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick, ainsi que l'Initiative conjointe de développement économique au Nouveau-Brunswick, Junior Achievement, Propel ICT, l'Association du Nouveau-Brunswick pour l'intégration communautaire et Fredericton Homeless Shelters. Elle est titulaire de diplômes en chimie et en économie de l'Université Queen's à Kingston. Et, si vous habitez au Nouveau-Brunswick, vous la connaissez peut-être comme la députée provinciale de la conscription de Bathurst-Est-Nipisiguit-Saint-Isidore, la chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick et la chef de l'opposition officielle de la province. Alors, les amis, mettez vos mains ensemble et souhaitez un beau, beau bienvenue. Madame Susan Holt. Bonjour. Bonjour, bonjour, merci beaucoup, Monsieur Castor. Je suis vraiment heureux d'être ici une deuxième fois. Ben oui, c'est ça, parce qu'il faut le dire à nos auditeurs et ceux qui regardent l'émission, Madame Holt a été très généreuse avec nous. On s'est rencontrés, je crois que c'est au mois de janvier ou au mois de décembre. Ah, ça, c'est une bonne question. Peut-être janvier, est-ce que c'était? Peut-être janvier, il faudrait que je vérifie, mais il y a un couple de mois déjà. Ouais. Et Madame Holt nous a fait honneur de presque une couple d'heures de son temps et on a eu une discussion en profondeur de ce qui la motivait à la politique et on a voulu faire une émission en français aussi parce que le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue du pays. Et alors, on pensait que nos auditeurs francophones méritaient d'avoir une chance de vous entendre parler dans leur langue, à elle et eux directement. Alors, Mme Holt a été très généreuse et elle nous a donné encore plus de temps pour pouvoir réaliser une deuxième entrevue. Avec nous aujourd'hui, il y a mon collègue, M. Grizzly, ici. Il parle un petit peu de français. Bonjour. Salut, mes amis, comment ça va? Je parle un petit peu en français parce que j'ai habité en Chicoutimi pour 2 ans, but that was a long time ago. Alors, on entendra un peu moins de lui aujourd'hui. Si tu écoutes nos émissions en anglais, il parle un peu plus, mais il est ici pour nous assister. Et l'important, avant qu'on fasse n'importe quoi d'autre, Madame Holt, je demande souvent à M. Grizzly, quand on commence nos émissions en anglais, comment va votre santé mentale aujourd'hui? Parce que c'est un dimanche de joyeux Saint-Patrick, parce que c'est un dimanche de fête. Pour nous, journée familiale, ma famille, mes 3 petites filles, puis mon mari, puis moi, on a allé faire, qu'est-ce que c'est en français, le bowling? Hockey. On a joué des hockey, alors... je suis en bonne forme aujourd'hui, relax, avec une journée de fun avec les 3 petites jeunes. L'Assemblée législative, ça recommence mardi de cette semaine avec le dépôt du budget du Nouveau-Brunswick. Oui. Alors, je prends ce moment de calme, d'un calme de ma santé mentale aussi, parce que après mardi, j'imagine que je vais être fâchée. Frustré, je ne sais pas quoi, mais on a ce travail d'opposition qui. Oui. C'est une responsabilité. Oui, et un peu dans le jus aussi, parce que c'est quand même une grosse journée et la préparation pour le budget. Oui. En effet. OK. Depuis qu'on s'est jasé la dernière fois, il y a eu quand même des développements. Monsieur Higgs, qui est le premier ministre présentement, semble avoir plus de gens qui occupaient des sièges qui ne veulent pas se présenter à la prochaine élection. Il y a aussi eu le discours sur l'état de la province que M. Higgs a fait, dans laquelle il a annoncé une initiative pour offrir 300 $ au niveau néo-brunswickoise et au niveau néo-brunswickois pour leur aider un petit peu. Et aussi, dans les sondages, ça semble aller un peu moins bien pour lui. Entre-temps, vous êtes en train de formuler votre équipe. Chaque semaine, il y a un nouveau candidat qui se joint à vous. Si l'élection se passe au mois d'octobre, tel que prévu, on a environ 6 mois, que voyez-vous... Je devrais dire, peut-être avant d'arriver là, que vous restait-il à faire pour que votre équipe soit complète pour pouvoir vous présenter à l'élection comme vous voudriez vous présenter? Oui, le travail à ce moment, certainement on fait le recrutement puis les nominations, ça continue, mais on a des candidats qui sont identifiés dans chaque circonscription. Alors, c'est un petit peu plus un travail logistique parce qu'il y a du monde qui ne peut pas être nominé avant qu'il peut quitter leur job, des choses comme ça. Alors, vraiment, c'est le travail du plateforme. On a eu un biennal, une convention de politique fait au fin de février, je pense. Qu'est-ce que c'est ça? Ça fait 3 semaines, je pense, ou peut-être 4. Et là, on avait 75 résolutions de politique. C'était un gros, gros nombre, double le nombre de résolutions du dernier convention qui était 4 ans passé en 2018. 6 ans passé. Longtemps passé. Alors, c'était un gros travail avec plusieurs membres qui ont participé. Maintenant, on prend les résolutions qui ont passé, puis on prend ça avec des autres idées qu'on a... qu'on a entendu sur le terrain, parce que moi, je viens juste de faire un petit tour au sujet de la santé pour avoir des conversations avec les travailleurs en santé pour vraiment comprendre qu'est-ce qui arrive là dans les communautés par les personnes qui prennent soin de nous autres. Alors, on va mettre ça tout ensemble, puis on va créer notre plateforme. Alors, ça, c'est un travail vraiment important, je pense, pour continuer d'engager nos membres, puis d'avoir quelque chose à présenter aux Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises, qu'ils peuvent vraiment voir c'est quoi notre vision. On leur démontre à ce moment comment on travaille, c'est quoi notre mode de travail, être à l'écoute, être en communauté, faire un travail ouvert, transparent, inclusif, mais c'est quoi les promesses, c'est quoi les grandes choses qu'on va leur démontrer dans une plateforme. Ça, c'est le prochain travail à faire depuis maintenant, puis ben, avant octobre, on va finir notre plateforme, j'imagine, dans les deux ou trois mois qui viennent. OK, parfait. Et puis, quand vous parlez de, parce que je crois que la santé quand même va être une question très importante. Quand on s'est parlé la dernière fois, on était dans une situation dans les salles d'urgence de la province que c'était difficile pour les gens qui travaillent avec les ambulances de pouvoir prendre les patients et de les transférer de l'ambulance à l'hôpital. Il y avait des fois 12 ambulances qui étaient en ligne à certains hôpitaux, ce qui faisait qu'il était difficile. Les gens ne pouvaient pas se fier si on donnait un appel à 911 qui pourrait avoir une ambulance pour eux. Est-ce que la situation s'est quelque peu améliorée depuis? Pas exactement. Les moments où il y a une douzaine d'ambulances qui attendent, ce n'est pas le cas maintenant, mais il y a encore des gros, gros enjeux de ressources, du monde qui devrait être dans des foyers de soins à long terme qui sont à l'hôpital, où la qualité de vie est presque, comme c'est vraiment, vraiment terrible de vivre dans un hôpital ou dans une chambre avec 4 autres personnes où tu dois sortir dans le couloir avec les boîtes et tout ça pour voir un film ensemble, un noir, comme c'est une nuit. Cette situation, je pense que ça devient de plus en plus pire. Mais ça m'a fait souvenir que c'était notre vidéo de santé qu'on a poussée, je pense, la première semaine de janvier où on a commencé à connecter pour le podcast. Alors, ça, j'imagine que c'était définitivement la fin janvier qu'on l'a fait. Oui, le système, peut-être vous avez vu aussi l'histoire sur les infirmières d'agence, des travel nurses, on leur appelle, et le coût des travel nurses, puis l'organisation Canadian Health Labs qui a fait un contrat avec Vitalité Santé, le réseau de santé francophone. Puis ça, cet enjeu-là, ça continue de frustrer nos infirmières, infirmiers qui font le travail, qui se sentent qu'ils ne sont pas respectés, qu'ils ne se sont pas valorisés. Il y a du monde là qui sont payés 3 fois de plus qu'eux autres pour faire le même travail. Cette situation devient de plus en plus grave. D'accord. Selon, parce que la compagnie de sondage Angus Reid avait fait sondé le public, pour un manque de meilleurs mots. Et puis, on a découvert avec ce sondage que les 5 questions les plus importantes pour les Néo-Brunswickoises et Néo-Brunswickois étaient d'abord la santé à 74 %, ensuite le coût de la vie à 63 %, le coût du logement à 33 %, la pauvreté et les questions des sans-abri à 22 %, et l'économie, les emplois qui sont liés à l'environnement d'une quelque façon, et l'environnement, les changements climatiques à 16 %. Il semble, sur la santé en particulier, que les Néo-Brunswickoises et Néo-Brunswickois ne sont pas très contents du tout avec la qualité du service qui est offert présentement par le gouvernement. Est-ce que vous avez des avenues je sais que vous ne pouvez pas donner toute votre plateforme en ce moment parce qu'il faut en garder pour l'élection, mais est-ce qu'il y a des avenues, est-ce qu'il y a des choses que vous avez entendues en particulier qui vous ont donné des idées à des choses, pour des choses à offrir à la population à l'élection? Mais honnêtement, c'est pas un travail vraiment novatrice qui doit être fait ici. Tout le monde est d'accord avec qu'est-ce qu'on devrait faire. Tout le monde, comme les trois parties dans l'Assemblée législative, les professionnels de médecins de famille, d'infirmières, tout le monde sait qu'on doit faire un travail collaboratif, un travail d'équipe dans des nouveaux cliniques d'équipe et pas seulement les bureaux de médecins de famille tout seuls. Cet changement du modèle de pratique pour livrer des soins primaires, on est tous d'accord que ça, c'est la solution. On doit le faire. Faisons les changements. Et la frustration, c'est qu'on a un gouvernement qui dit que ça, c'est qu'est-ce qu'il veut faire, mais qu'il ne prend pas action. Il fait des promesses que, je pense qu'en 2022, ils ont dit, oui, on va faire 4 cliniques collaboratives, un ici, un là. Un an, plus qu'un an s'est passé, zéro. Ils ont créé, pas avancé du tout ces 4 cliniques. Et maintenant, on a notre société médicale qui ne sont pas inclus dans le travail de créer le plan de soins primaires du gouvernement. Alors, nous autres, oui, c'est étrange. Je pense que ce gouvernement pense à la société médicale, c'est un groupe pour faire des négociations, pas un travail de partenariat. Ah. Parce que notre vieil système de frais et de comment on fait ça. Mais on ne peut pas changer notre système de soins primaires sans utiliser, sans parler avec, sans faire un travail collaboratif avec les médecins de famille et leur société. Mmh. Alors, c'est un gros manque, je pense, que de ce gouvernement, mais vraiment typique. Pour eux autres, ils ne travaillent pas hors du bureau, ils ne travaillent pas en partenariat avec personne. Mais on ne peut pas avancer avec l'urgence qu'on a besoin. La société médicale a demandé pour 50 cliniques collaboratives. On peut prendre nos ressources aujourd'hui, puis leur mettre en groupe collaboratif avec de l'aide du gouvernement pour de l'administration. Parce que plusieurs de nos professionnels de soins prennent beaucoup de leur temps avec des fax machines, avec comme ils font des choses avec une technologie ancienne. C'est une perte de temps au complet. Alors, c'est pas qu'on a des idées uniques, c'est qu'on va faire le travail en partenariat avec l'urgence qui est demandée, avec une audacité. Comme on imagine 50 cliniques. C'est possible. Pas avec un premier ministre qui ne veut pas dépenser un seul sou dans le système, mais on peut le faire parce que nous autres, on a une priorité d'améliorer les soins primaires. Puis on est reconnaissant du fait qu'il va y avoir 100 000 néo-brunswickois sans médecins de famille, sans soins primaires cette année. Alors, c'est quelque chose où on devra faire des investissements avec nos dollars. Comme c'est le monde du Nouveau-Brunswick donne leurs dollars au gouvernement pour en recevoir des services. Et maintenant qu'on a une liste qui augmente à chaque jour de personnes qui n'ont pas accès à des soins primaires, on doit vraiment agir. Alors, ça, c'est une chose. Si je peux continuer, je m'excuse. Oui. Une réponse longue, mais à soins à long terme, j'ai parlé un petit peu de le fait qu'on a plusieurs lits en hôpital qui sont occupés avec du monde qui devrait être dans, peut-être à la maison, s'il avait accès à soins à domicile, peut-être dans des foyers où ils peuvent vraiment vivre avec les propres soins. On a besoin de changement au complet de ce système. Il y a un contrat qui doit être négocié avec le syndicat. Il y a un modèle de faire des évaluations qui doit changer au complet. Il y a une responsabilité entre les deux ministères qui sont responsables, qui doit vraiment être géré. Il y a certainement des ressources qui manquent et on a besoin de plus de soins. Parce qu'ici, au Nouveau-Brunswick, nous sommes vraiment plus bas dans nos heures de soins. Je pense que c'est 3.1 et la moyenne au Canada, c'est 4. Alors, d'accord. Moi, je pense que les aînés au Nouveau-Brunswick méritent 4 heures de soins par jour et c'est quelque chose qu'on doit vraiment assurer que le système peut livrer ces services-là parce que nos aînés le méritent. Ils ont travaillé toute leur vie, ils ont payé toute leur vie dans notre système et maintenant on leur laisse dans des conditions, les conditions qui je suis vraiment comme après faire le tour de la province, j'ai visité 19 foyers de soins et il y a du monde là qui travaille tellement fort, qui fait un travail de cœur à chaque jour, mais il ne peut pas livrer les services dont les résidents méritent avec le système qu'on a aujourd'hui. Donc, ils ne sont pas occupés pour atteindre le succès. Oui, c'est ça. C'est impossible de... Quelqu'un peut recevoir un bain par semaine. C'est impossible pour avoir un deuxième si tu n'as pas de main d'œuvre, tu n'as pas le financement, tu n'as pas l'infrastructure. Mais est-ce que c'est ridicule d'imaginer que peut-être quelqu'un mérite un fois ou deux une deuxième bain par semaine? Comme Étant donné le nombre de nous qui prenons une douche à chaque jour, me semble plus qu'un bain par semaine... Ouais, ce n'est pas irraisonnable. Si on veut une qualité de vie dignifiée, je pense que les aînés devraient avoir une vie avec la dignité et ce n'est pas ce qu'on peut leur offrir au moment. Alors, on a beaucoup de changements, plusieurs changements à faire là, puis nous autres, on planifie c'est quoi les choses qu'on va faire spécifiquement dans ce système-là pour commencer le gros transformation qu'on doit faire. OK. Parce que selon le sondage, je l'ai devant moi, les Néo-Brunswickois qui pensent que le gouvernement présentement fait un très... s'acquitte très bien ou assez bien de la tâche pour fournir des soins de santé, en total, c'est 8% seulement de la population. C'est le plus bas au pays. Le plus proche après ça, c'est au Terre-Neuve et au Labrador, où c'est 17%. Et ça va jusqu'aussi haut qu'à 32% en Alberta. Alors, quand on dit 8%, d'abord au pays, il n'y a presque personne qui est très satisfait parce qu'il n'y a aucune province où le tiers de la population se dit satisfait des services de santé en ce moment. Mais au Nouveau-Brunswick, quand on compare 32% à 8%, c'est quand même un très grand écart. Ouais. Ce que vous dites à propos du premier ministre ou de ce gouvernement qui ne semble pas vouloir consulter, ça ne semble pas s'appliquer seulement qu'au domaine de la santé. Il semble aussi qu'il y a une question au Nouveau-Brunswick, comme il y a dans plusieurs autres provinces, par exemple pour l'accès aux services de santé, par exemple pour les jeunes qui sont transgenres. Et ça a l'air que... en Alberta, on a commencé à jouer avec l'accès à ces services. Il semble que le premier ministre du Nouveau-Brunswick explore aussi cet domaine. Il semble aussi que ça a créé beaucoup de divisions dans son caucus et que plusieurs gens sont frustrés parce qu'il semble être un gouvernement d'une personne seulement. Il s'écoute lui-même et il pense qu'il a raison et qu'il continue. Pour les jeunes qui sont transgenres, qu'est-ce que vous avez pour leur aider et leur famille? Et aussi, cette attitude, est-ce que ça s'étend plus largement que les questions de santé pour le gouvernement Higgs? Est-ce qu'il semble seulement écouter un groupe très restreint dans plusieurs domaines au niveau de l'économie aussi? Oui, il y a plusieurs questions là-dedans, mais je vais commencer avec l'un que je pense que c'est le plus important. On peut assurer les jeunes qui sont transgenres que nous sommes ici pour protéger leurs droits puis leur accès aux services de santé dont ils ont besoin. On va aller se battre dans l'Assemblée législative à chaque jour pour assurer que ce gouvernement n'enlève pas ses droits que les jeunes ont ici à Nouveau-Brunswick. Dans la même façon qu'on s'est battu contre la politique 713, et on voit que c'est dans les cours au moment, mais c'est pas d'accord, c'est complètement pas d'accord qu'ils essayent de discriminer et d'enlever l'accès au système de soins et système de santé pour les jeunes transgenres et leurs familles. Période avec ça. Mais oui, c'est une habitude de M. Higgs de faire toutes ses décisions lui-même. Et on a vu, il a perdu des membres de son équipe. Il y a plusieurs qui disent qu'il n'offre pas dans la prochaine élection, mais il y a aussi des ministres qui ont quitté. Arlene Dunne a décidé, non, je ne veux plus être un parti de ce gouvernement. Je vais quitter ma poste. Je me rends je retourne à un travail qu'elle peut faire avec intégrité parce que le premier ministre ne travaille, n'écoute personne. Il a même perdu un de ses gros conseils dans le bureau du premier ministre qui a dit aussi, non, je ne peux plus faire ce travail avec un monsieur qui n'écoute pas, il ne prend aucun conseil. Alors, John Correa s'est fait son démission. Alors, ce n'est pas seulement dans le système de santé, ce n'est pas seulement les médecins de famille qu'il n'écoute pas. On voit ça avec les chefs autochtones, on voit ça avec les syndicats. On a plusieurs contrats à négocier, ça n'arrive pas. C'est juste, même si c'est seulement 6 ans qu'il soit là, mais ça semble que c'est trop long. Il a oublié le travail du terrain, oublié c'est qui ses citoyens et les citoyens du Nouveau-Brunswick qu'il est responsable à leur servir, et ça me semble qu'il a perdu, il est complètement déconnecté de la réalité du Nouveau-Brunswick et pense qu'il s'est mis, on dit ça Higgs Way or the Highway à Nouveau-Brunswick, c'est seulement lui qui fait toutes les décisions. Parce qu'il a quand même fait quelque chose d'assez intéressant avec les pensions récemment, non? Intéressant, peut-être. Tu peux dire ça, il a décidé d'avoir un projet de loi pour quelque chose qui était négocié dans un contrat collectif avec les syndicats et qu'ils ont proposé, voici la façon qu'on va avancer le changement de pension à quelque chose qui est partagé. Après qu'il n'était pas heureux avec comment s'avançait ces négociations, il a décidé, ah non, je suis fatigué de ça, on va faire un projet de loi pour forcer que tout le monde dans les foyers de soins, dans plusieurs syndicats, on va leur forcer à aller à un modèle qu'ils n'ont pas négocié. C'était le projet de loi 17. Cette journée-là dans l'Assemblée législative était une de les journées, je suis certaine que je ne vais jamais oublier, parce que l'Assemblée était remplie de travailleurs qui voulaient démontrer qu'il y avait un droit de négociation qui sont justes, puis qui fait ce travail, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, like, to bargain in good faith. OK, négocier de bonne foi. Qui a complètement dit, non, on ne fait plus ça, on va utiliser un outil législatif pour forcer la situation, on va briser le contrat, puis je pense que c'est une des raisons qu'on voit, le sondage qu'on voit, parce que il y a tellement de groupes que ce premier ministre qu'il a abandonné, qu'il a démontré un gros manque de respect. C'est là où on est à Nouveau-Brunswick. Je trouve ça curieux qu'il ait pris cette approche, parce qu'en Ontario, le premier ministre Ford a tenté la même chose sur les conventions collectives pour les gens, puis il a fait un échec total au tribunal. Puis on découvre aujourd'hui que ça nous a coûté en Ontario 6 milliards de dollars de plus que s'il avait négocié de bonne foi de prime abord. Alors, c'est quand même des décisions qui peuvent être coûteuses, parce que on dit qu'on veut sauver de l'argent ou qu'on veut être un peu plus, comment on pourrait dire, pour pouvoir manœuvrer plus facilement. Mais finalement, si ces décisions-là sont inconstitutionnelles, si on oublie complètement, on passe par-dessus le droit des gens, le droit inhérent de pouvoir avoir un mot à dire sur quelle est notre propre passion qu'on a travaillé toute notre vie. Je ne peux pas m'imaginer qu'un tribunal pourrait supporter cela. Je ne peux pas imaginer. Alors, à ce point, le syndicat, il fait ce travail-là. Il demande que ça va dans les cours, puis que les cours vont déterminer que ce n'était pas légal, qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais ça fait le troisième ou quatrième fois que les gens de Nouveau-Brunswick doivent prendre une position légale contre leur gouvernement. Ça, c'est incroyable pour moi qu'on a un gouvernement qui fait à chaque fois des choses qui ne sont pas constitutionnelles, qui ne sont pas légales. Et ils nous demandent, OK, ben, so sue me. C'est comme, like, oh, d'accord, mais est-ce que ça, c'est comment notre gouvernement devrait agir? C'est comme, il attend pour qu'on leur pousse. C'est cher, ça coûte vraiment cher. On a vu ça avec le PDG du système de santé, du réseau de santé Horizon, que le premier ministre a décidé de terminer sans raison. Puis, ils ont mis ça en cours, puis ça a coûté plus que 2 millions de dollars. Puis, le gouvernement a revenu pour faire un appel. Puis, ils ont perdu cette fois-là. Puis, maintenant, ils retournent une troisième fois pour essayer encore. C'est comme, arrêtez de perdre notre argent dans des cours avec les frais légaux. Il y a des grosses choses à faire. Il y a un monde qui ne peut pas vivre avec le coût de la vie. La crise d'abordabilité, comme vous avez dit, le deuxième enjeu sur la liste, la crise d'abordabilité, on le voit à chaque jour, qu'il y a plus en plus de monde qui ne peut pas joindre les deux bouts en Nouveau-Brunswick. Et quand M. Higgs promesse 300 $, mais après ça, c'est... il clarifie que ben, 300 $, mais seulement pour toi et seulement pour toi. Et si tu le veux vraiment, tu dois faire une application avec un formulaire qui n'est pas disponible, que vous avez comme, il veut vraiment pas aider, il juste veut la perception qu'il aide quand il y a trop de monde qui souffre à Nouveau-Brunswick et on dépense nos sous avec dans les cours et avec les avocats. C'est quand même curieux, je vais me servir du mot encore, que le premier ministre ne voudrait pas aider ses citoyens, étant donné que, si ma compréhension est bonne, il y a quand même un joli surplus dans le budgétaire au Nouveau-Brunswick et que si on n'est pas pour dépenser de l'argent des contribuables sur les contribuables, sur quoi est-ce qu'on le dépense? Ça, c'est une bonne question. C'est la question que tout le monde demande. Pourquoi est-ce que le dette qu'on paye et nos paiements de dette, je pense, augmentent, qui prend plus de priorité que les personnes? Comme, pourquoi est-ce qu'on ne choisit pas les humains avant les dettes? Avant les banquiers. Oui, les banquiers, exactement. Alors, c'est et même maintenant, je pense que c'est 247 millions de dollars de surplus qu'ils imaginent. Et ça, c'est un petit peu pourquoi je pense qu'ils ont créé ce programme de 300 $. Ils disaient qu'il y a une valeur de 75 millions de dollars, mais ça va jamais être 75 millions, ça va être beaucoup moins parce qu'ils ont diminué les personnes qui sont éligibles, puis ils ont ajouté des barrières dans le processus pour recevoir l'argent. Alors, il veut la perception qu'il aide, mais il ne veut pas dépenser aucun sou sur les gens de Nouveau-Brunswick qui en ont besoin. C'est quand même ironique qu'un gouvernement qui se dit pour la petite bureaucratie semble créer des obstacles et des entraves pour pouvoir avoir accès à un programme. Un programme de 300 $, puis ça va demander 55 fonctionnaires pour le gérer. Comme avec un gouvernement conservateur qui veut un petit gouvernement sans de dépenses qu'ils n'ont pas besoin. Et maintenant, ils se trouvent dans une position où ils doivent embaucher 40 fonctionnaires de plus que le 15 qu'ils mettent sur le projet. C'est incroyable qu'est-ce qu'il a fait ici avec cette politique vraiment... c'était une erreur au complet qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire ici. L'autre chose qu'on sait de ce gouvernement, il n'est pas très friand du concept du bilinguisme officiel. Étant donné qu'on fait une entrevue en français en ce moment, qu'avez-vous à dire spécifiquement aux populations francophones de la province sur, par exemple, les positions que votre parti prendrait pour défendre la langue et la culture et s'assurer que la langue puisse grandir et fleurir plutôt que d'être restreint? Mais je vais commencer avec un remerciement pour vous autres, M. Grizzly, puis M. Bibou, pour l'opportunité de faire cette entrevue en français et que vous autres, vous valorisez une audience francophone pour prendre le temps de faire ça. J'apprécie ça énormément. Moi, je suis une anglophone, je pense que c'est clair. Je suis quelqu'un qui avait l'opportunité de prendre d'apprendre le français dans un programme d'immersion qui a commencé quand j'étais 6 ans dans mon première année d'école ici à Fredericton où j'habite au moment. J'étais vraiment chanceuse que mes parents ont pris cette décision et j'ai reçu une excellente formation en français avec des enseignants qui venaient du Péninsule acadienne. Je me rappelle de mon enseignant favori, Mme Paulin, qui venait de Lamec, nous avons donné le cadeau de la langue, mais aussi plus que la langue. C'était une vraie appréciation. Elle nous a aidés à tomber en amour avec la culture, la musique, les histoires, tout ça. Alors, j'étais vraiment chanceuse de soi et vraiment heureuse que mes 3 petites filles ont aussi accès au programme d'immersion parce que même quand j'étais jeune, puis quand j'étais plus âgée, quand j'ai décidé de me déménager en Ontario pour aller à l'université, j'étais tellement fière de me présenter à mes nouveaux collègues comme Néo-Brunswickoise, la seule province officiellement bilingue de tout le Canada. Quel bijou unique que je vantais que c'était le cas parce que ça nous donne une histoire, une province vraiment riche de comment toutes ces cultures vont ensemble ici. Alors, notre parti, le Parti libéral, c'est le parti de Louis J. Robichaud qui a fait un gros travail au niveau du bilinguisme. Mais je vais aussi dire, le premier ministre après, Richard Hatfield, était un défenseur à chaque jour de notre bilinguisme et qui a fait des avances. Chaque premier ministre du Nouveau-Brunswick, depuis ce temps-là, chacun, après Hatfield, c'était McKenna, après ça, c'était Lord, ils ont avancé la loi sur les langues officielles. Ils ont fait un progrès avec comment on protège, puis on augmente la réalité de la vie francophone à Nouveau-Brunswick et qu'on assure pas seulement l'accès aux services d'une façon équitable, mais des institutions qui sont gérées d'une façon francophone et un avancement de la culture et la langue et la francophonie ici à Nouveau-Brunswick, mais pas à ce moment. On a pour la première fois un premier ministre qui n'a pas fait un progrès avec la revue sur la langue officielle. Il a essayé d'éliminer l'immersion parce qu'il ne pense pas que c'est quelque chose que tout le monde devrait apprendre d'une façon qu'il peut vraiment vivre en français, travailler en français. Il a dit, bien, peut-être c'est d'accord si peut-être tout le monde peut parler un petit peu en français. Ça, on va diminuer notre objectif ici. Et les nouveaux Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises ont démontré qu'ils veulent protéger notre bilinguisme. Ils veulent qu'on avance notre bilinguisme. Notre parti, on avait proposé des opportunités pour vraiment faire du progrès avec la loi sur la langue officielle. Comment est-ce qu'on gère ça dans un ministère qui rapporte au premier ministre? Comment est-ce qu'on peut faire une revue plus fréquemment? Comment est-ce qu'on peut assurer que les services du gouvernement sont vraiment accessibles, mais aussi que les emplois sont accessibles, que les sous-ministres fait ce travail de façon bilingue. Plusieurs choses qu'on a proposées pour assurer qu'on ne voit pas une diminution ou un recul ici à Nouveau-Brunswick de quelque chose qui est vraiment une partie de notre identité comme province, comme société. C'est quelque chose que moi, je vais me battre fort pour protéger notre bilinguisme et notre francophonie ici à Nouveau-Brunswick au complet. Okay. Avez-vous quelque chose, encore sans vous demander de dévoiler votre programme avant le temps, spécifiquement pour l'Université de Moncton? Parce qu'en Ontario, par exemple, certaines de nos universités sont en danger. Même l'Université Laurentienne à Sudbury, qui avait des programmes en français, a connu un gros déstabilisation économique et financière. Ils ont dû annuler plusieurs programmes qui étaient très importants pour pouvoir assainir leurs finances. Est-ce que les choses sont quand même stables à l'Université de Moncton pour le financement ou est-ce qu'on a besoin de leur aider aussi? Je dirais que l'Université de Moncton est un bijou ici à Nouveau-Brunswick et j'ai eu une rencontre avec leur recteur, ça fait peut-être un mois et demi, et ils voient une croissance d'élèves. Ils ont une belle vision pour leur futur, mais pour nous autres, c'est le système d'éducation postsecondaire au complet qui tout le monde est un petit peu nerveux de le changement fédéral au niveau des étudiants internationaux. Mm-hmm. Ça nous inquiète beaucoup. Et de les enjeux d'infrastructure et de logement. On a chacun de nos universités. Il y a, combien est-ce qu'il y a à Nouveau-Brunswick? Il y a plusieurs. On a l'Université de Moncton, Nouveau-Brunswick, St. Thomas, Mount Allison. Il y en a un qui est catholique, Crandall. Il y a des collèges communautaires du NBCC, PCCNB. Mais tout le monde a de l'infrastructure qui devient de plus en plus vieille et des étudiants qui cherchent des logements et qui ont besoin de l'aide avec le logement, de l'aide avec la santé mentale, qui ont des besoins qui augmentent de plus que la population d'élèves d'hier. Alors, chaque école postsecondaire nous demande pour de l'aide, pour un changement peut-être du système de comment on finance, comment on aide nos universités puis nos collèges. Alors, l'Université de Moncton n'est pas différent. Et je pense que leur statut français à mon avis, ils n'ont pas des besoins différents pour cette raison. Et même, je dirais, ils ont accès à des financements peut-être uniques. Être notre université francophone ici, mais aussi, ils font un excellent travail. Ils voient des choses qui bougent à l'Université de Moncton. OK. Notre temps tire à sa fin bientôt. Mais j'avais une couple de petites questions. Outre la santé et l'éducation, parce que c'est les deux choses les plus importantes, évidemment, prendre soin de l'économie, mais outre ces trois grandes choses-là, est-ce qu'il y a un projet spécifique? Est-ce qu'il y a quelque chose, un plan que vous avez, que vous voudriez réaliser si vous êtes élu comme première ministre? Ah, ben, pour moi, je suis ancien fonctionnaire et je pense qu'on a beaucoup de changements à faire du façon qu'on gère notre bureaucratie. C'est pas une conversation vraiment que le public s'intéresse, mais s'il y a du monde qui s'intéresse dans la politique directe, le défenseur des jeunes et des aînés a fait un rapport lundi de la semaine passée qui nous démontre qu'est-ce que c'est l'enjeu au niveau des programmes sociaux et comment le gouvernement doit travailler d'une façon complètement différente. C'est pas qu'on fait un budget premièrement puis on détermine après ça. C'est une question de c'est quoi nos besoins? C'est quoi les besoins des Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises? Et c'est quoi les standards et c'est quoi les objectifs? Et maintenant, si on connaissait au fond nos besoins, les standards qu'on voulait obtenir, les objectifs. Là, on peut faire notre plan de ressources puis de financement. Mais on fait le travail à l'envers. Et ce changement de culture, de la bureaucratie, moi, c'est quelque chose que je pense que si on veut améliorer notre système de santé, si on veut améliorer notre système d'éducation, si on veut faire quelque chose de meilleur dans notre développement social, les changements du système de gouvernement peuvent vraiment être le fondation, est-ce qu'on dit ça? C'est quelque part où on peut commencer pour que tout le travail qu'on fait, c'est construit sur une base fort et nouveau, une base rafraîchie. Alors, pour moi, c'est quelque chose qu'on imagine. C'est quoi le travail? C'est sortir du bureau. C'est que les fonctionnaires font le travail avec la communauté, avec les personnes qui sont impliquées dans les politiques, premièrement. Mm-hmm. Pas qu'ils font le travail pour une politique parfaite avant de le publier, puis apprendre pourquoi ça ne fonctionne pas par les personnes qui font le travail. C'est de commencer hors du bureau, puis créer la politique avec le monde qui essaie à servir. Puis après ça, tu retournes dans les bureaux pour les sous et les ressources humaines. Alors, pour moi, ça, c'est quelque chose que... peut-être que ce n'est pas quelque chose qui va dans une plateforme électorale parce que le monde veut seulement savoir qu'ils vont recevoir une éducation de qualité, qu'ils vont avoir accès à un médecin, puis ne s'intéresse pas à comment on va gérer ça. Mais pour moi, ça, c'est un changement. Le changement du modèle du gouvernement, du coup de culture du gouvernement, c'est une vraie opportunité. Si on veut changer plusieurs choses, on peut faire ce changement-là premièrement. Okay. Donc, ce serait un peu comme amener des concepts de gestion participative au processus d'analyse des besoins puis de le mettre au début du processus plutôt qu'au milieu ou vers la fin. Oui. Oui, c'est exactement ça. Parce c'est que juste on le pense bon qu'on va construire une centaine de logements. Mais combien de logements est-ce qu'on a besoin? Est-ce que c'est 1000? Est-ce que c'est 110? On ne peut pas imaginer c'est quoi 100 logements construits si on ne comprend pas c'est quoi le besoin. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est la meilleure place? Mais nous autres, nos programmes, c'est comme 300 millions de dollars, tellement d'unités. Mais ça, on ne peut pas vraiment avoir une comptabilité d'un système comme ça. C'est plus difficile de savoir si nos résultats sont les bonnes. Alors oui, c'est un changement du système pour gouverner de façon différente avec une culture de la bureaucratie qui doit changer aussi. Parfait, parfait. J'ai demandé à M. Grizzly en privé s'il avait une question pour vous. Il a dit que tout est bien. Alors, je vais terminer l'entrevue avec une question que d'habitude on pose au début, mais pour laisser une impression avec nos auditeurs, nos auditrices. Pourquoi voulez-vous être la première ministre du Nouveau-Brunswick? Dernière question après une heure de conversation. Merci beaucoup pour ça. Pour moi, c'est parce que j'adore le Nouveau-Brunswick avec tout mon cœur. Puis je sais qu'on peut faire mieux que où on est au moment. On peut faire mieux. On peut servir les Nouveau-Brunswickois et les Nouveau-Brunswickoises de façon meilleure que comment on le fait maintenant. Et on a besoin d'un gouvernement qui va être en amour avec les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises. Il y a un manque d'amour dans notre système maintenant. Et on a besoin d'un leadership qui démontre cette empathie puis cette compassion parce que les gens de Nouveau-Brunswick le méritent et ils ne le sentent pas au moment. J'ai 3 petites filles qui vont agrandir ici et eux autres, ils veulent changer le monde. Mais moi, je veux qu'on ait une province où ça bouge, on fait du progrès parce que tout le monde est impliqué et ils se sentent qu'il y a quelqu'un qui leur aime, qu'il y a un gouvernement, qu'ils ont un premier ministre qui leur aime et qu'ils peuvent faire n'importe quoi avec un gouvernement qui va leur supporter de façon différente. Et je ne vois pas ça. Je ne vois pas ce style de leadership. Je ne vois pas l'amour que notre province a vraiment besoin. Alors, je pense que c'est ça. Je suis certain qu'on peut faire mieux parce que c'est une province. Je parlais avec M. Grizzly, la femme de M. Grizzly. Notre province est tellement beau. La nature, nos plages, nos rives, nos montagnes, nos lacs, c'est tellement, mais c'est nos voisins. C'est les francophones, les Acadiens, les Brayons, les Autochtones. L'histoire tellement riche ici à Nouveau-Brunswick. Tout le monde, c'est une population humble qui veut aider leurs proches. Ils veulent faire un travail vraiment, vraiment humble, mais ils méritent quelqu'un qui leur adore et qui va faire ce travail avec leur cœur juste là pour servir. Alors ça, c'est le changement que je veux voir. Ça, c'est le changement que je veux apporter. D'accord. Écoute, c'est un beau plan. Ben oui. C'est un beau plan, c'est une belle vision. Est-ce qu'on parle d'amour en politique assez? Insuffisamment. Insuffisamment. C'est quelque chose qu'on dit souvent à notre émission quand on parle à nos auditeurs et nos auditrices. On leur dit, on leur rappelle qu'il ne faut pas comparer les candidats à un idéal parfait, mais comparer les candidats entre eux-mêmes. Et puis, quand on fait un choix, indépendamment du choix qu'on fait, votez pour quelqu'un, par exemple, qui n'insulte pas votre intelligence. Votez pour quelqu'un qui parle de vous en bien. Votez pour des gens qui n'ont pas, qui ne semblent pas avoir un dédain pour une portion de la population. Donc, quand on commence à, si on est un parti politique et on commence à regarder nos citoyens, les gens qu'on est supposé de représenter comme étant des obstacles ou des ennemis à combattre, me semble que le cœur, si on parle de cœur, le cœur n'est pas à la bonne place dans un gouvernement. C'est ça. Oui, d'accord. Donc, c'est une très belle vision. On vous souhaite certainement bonne chance. Il y a beaucoup de travail à faire avant l'élection, donc je suis sûr et certain que vous en aurez plein les bras. on vous remercie beaucoup d'être passé chez nous et de pouvoir justement faire les entrevues dans les deux langues parce que pour nous aussi, c'est important. Notre émission d'habitude se fait en anglais. S'il y a des gens qui nous écoutent pour la première fois, mais quand on a la chance, c'est quand même assez rare de faire une émission complètement en français. Ce n'est que la deuxième fois en 3 ans qu'on le fait. Alors, la dernière fois aussi, c'était avec un candidat dans le nord de l'Ontario. Donc, c'était très bilingue là-bas. Donc, on l'a fait pour la même raison. Mais pour nous aussi, pour M. Curzi, peut-être un peu moins parce qu'il parle moins la langue, mais il se fait un plaisir, évidemment, de nous donner un coup de main. Mais pour moi, c'est Je comprends. Oui. Comme un francophone, de pouvoir travailler dans l'autre langue aussi. Quand les opportunités se présentent, ça fait un beau petit show et beaucoup de plaisir à mon petit cœur de castor. Alors, Merci à vous deux. Oui. J'apprécie énormément l'opportunité. C'est du fun. J'espère revenir. Ah, ben c'est ça que j'allais dire. Vous êtes certainement le bienvenu, la bienvenue à n'importe quand, surtout au fur et à mesure que la grande date approche. Si jamais vous ou quelqu'un de votre parti a d'autres nouvelles à annoncer aux gens qu'on croit que c'est non seulement que les Nouveaux-Brunswickois, mais partout au Canada, parce que souvent on ne parle pas assez du Nouveau-Brunswick au niveau national, appelez-nous. Vous avez toujours une place chez nous à notre table et on se ferait plaisir de pouvoir aider à communiquer le message. Un gros merci. Alors, bon reste de fin de semaine à vous et à votre famille. Merci. Salut, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Ah, M. Grizzly, c'était excellent. Ben oui, là, je comprends la conversation. Je parle juste un petit peu français. So I won't say much, but je comprends. Mm. Un jour, j'aimerais ça que tu sois un petit peu moins gêné, que tu tentes un peu plus, parce que ton français est beaucoup meilleur que tu ne le crois. Yeah, I don't know what you just said. I just said that I hope someday that you'd be a little less shy and, you know, like, and actually try it, because your French is actually better than you think it is. Yeah, my problem is I struggle with the words, so I don't want to come across like an idiot. I'd have to write them out, and for me, you know, that's not how I work, right? I'm not a script guy, so anyway. Okay. Pour les gens à la maison qui nous ont joints pour écouter ceci, chers Néo-Brunswickoises et Néo-Brunswickois, à notre antenne, à notre émission, je ne sais pas si on peut dire l'antenne quand on est sur l'Internet, mais disons à notre antenne, cette année, on a une concentration particulière sur le Nouveau-Brunswick, on dit en anglais « Focus New Brunswick ». Et à chaque couple de semaines, on a des gens de la province qui viennent à notre émission pour nous faire le point, pour nous rappeler ce qui est arrivé récemment. On a eu M. Sean Rouse sur notre émission il y a un petit bout de temps. Mme Holt qui est venue 2 fois déjà. On parle à d'autres personnes aussi de la province. On parle à M. Don Darling, je crois, qui était le maire de Saint-Jean. de temps en temps. On parle à Gail Costello qui travaille avec l'éducation de temps en temps. Donc, ce sont des gens qu'on espère avoir à notre émission aussi. Mais au cours de l'année, régulièrement, chaque 2 semaines ou à 3 semaines, on va faire le point, on va parler de choses particulières à la province du Nouveau-Brunswick pour pouvoir amener l'attention nationale parce que c'est une des élections dans laquelle il pourrait avoir un changement de gouvernement. Alors, pour nous, c'est très intéressant parce qu'une élection qui est... Des élections sont toujours intéressantes pour nous qui sommes friands de politique, mais s'il y a une élection qui va retourner quelqu'un qui est déjà en gouvernement, c'est quelque chose, mais quand il va y avoir une élection qui risque d'avoir un changement de gouvernement, faut avouer, c'est un peu plus intéressant pour nous parce qu'il y a plus de combats, il y a plus d'intrigues, si on veut le dire, de savoir plus de stratégies dont on peut parler. Alors, et on aime tout cela. Alors, s'il vous plaît, si vous avez la chance, joignez-vous à nous pour nos émissions en anglais aussi. Et comme ça, on pourrait vous tenir au courant du mieux qu'on peut. C'est un service qu'on vous offre de tout cœur. Alors, M. Grilzy, est-ce que nous avons une émission? Ben oui, là, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Ah, OK. Alors, mesdames et messieurs, chères mesdames et messieurs qui vous ont rejoint à nous, c'est la fin de notre émission. On espère bien avoir la chance d'en réaliser d'autres pour vous en français aussi qu'en anglais quand l'occasion se présentera. Si vous avez apprécié ce balado et serez intéressé à consulter ce qu'on fait typiquement mais en anglais, vous pouvez nous trouver sur Google, Spotify, Apple, Stitcher, Deezer, Player FM, bref, toutes les plateformes où ce que vous trouvez vos balados préférés. Et si vous avez de la chance, parlez-en à vos amis parce que quand on dit aux autres ce qu'on aime, c'est le meilleur marketing possible pour nous. Quand vous nous recommandez. Alors, on apprécie beaucoup quand vous faites cela. Bien sûr, vos retweets, vos partages, vos corrections douces, vos critiques constructives, vos compliments, vos demandes spéciales, des pots de vin pour être invité à l'émission, et les commentaires positifs sont toujours bienvenus. On va dire tout de suite que Mme Holt n'a pas payé un pot de vin. au cas où. ce fut un plaisir pour nous de l'accueillir et de l'inviter. Si vous êtes tombé follement en amour avec nous, on n'a pas peur de s'engager, nous. Fait qu'enregistrez-vous pour recevoir nos émissions via notre page balado située au podpage.com. C'est podpage, podpage.com/ The True North Eager Beaver en petites lettres avec un trait d'union entre chacun des mots. Et finalement, quand vous y serez, si vous cliquez sur le mot m'échappe, mais si vous... Subscribe, le mot m'échappe. Subscribe, sure. Mais si vous le mot m'échappe complètement, je m'excuse totalement, mais si vous vous inscrivez avec nous, voilà, une fois qu'on aura quelque chose de frais et de nouveau, c'est livré directement à vous et comme ça, vous n'avez à manquer aucune émission. Si vous nous aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup et vous voulez vraiment nous en faire la preuve, n'ayez crainte, nous acceptons des pourboires. Il n'y a aucun frais pour pouvoir avoir accès à notre contenu, mais on demande, quand les gens apprécient ce qu'on fait, s'ils peuvent nous laisser un petit pourboire. Alors, vous pouvez faire cela, vous pouvez m'offrir une bonne tasse de chocolat chaud ou à M. Grizzly, une bonne tasse de café. Via ou un whisky pour la Saint-Patrick. Oh, un petit whisky à parler. Proper 12. En vous rendant à notre page Ko-fi. Et c'est Ko-fi écrit ko-fi.com/ Eager Beaver. Tout un mot, petite lettre. Et là, vous trouverez notre petite assiette pour pouvoir y mettre des pièces de 1$ ou 2$ comme vous le pouvez. Et si vous ne pouvez pas, inquiétez-vous pas du tout, parce que le cadeau de votre attention est le cadeau le plus précieux pour nous. Et c'est ce qui nous importe vraiment. depuis la Houtte du Castor. Ici votre intrépide petit castor du vrai Nord qui vous dit à bientôt, chers amis. La vie peut être dure parfois. Alors, assurez-vous d'être gentil et doux avec vous-même. C'est très important. Ce n'est pas vous qui le fera. Monsieur Grizzly, avez-vous un petit mot à dire à nos auditeurs? Non, non, je suis je suis plus fatigué parce que je comprends. Prenez plus boire au Saint-Patrick. Je suis fatigué. Surtout qu'hier, on a eu notre émission en direct, notre podcast. On fait une émission une fois par mois où on ne parle pas de politique du tout, juste une discussion sociale. Et disons qu'on a pris un peu d'avance hier sur la Saint-Patrick. Il faut toujours célébrer. Il faut toujours trouver une façon et une raison pour célébrer, les amis. Alors, avec ça, on vous quitte. On vous fait des gros bisous. Et puis, on espère pouvoir vous revoir bientôt. Salut! You are listening to a True North Eager Beaver Media Incorporated podcast. The True North Eager Beaver podcasts are proudly brought to you by our founding sponsors, the Misfit Mysteries from Corvid Moon Publishing, your source for science fiction, fantasy, and cozy mysteries featuring a broad diversity of characters, CanadianTarot.com, your uniquely Canadian online eclectic tarot community, and the Peppermaster, hot pepper sauces made from farm-fresh ingredients to thrill your taste buds and expand your mind. We are grateful to the Cryer Media Network for its support, Pete Jarvis for our artwork, and Paul Joseph Something for our opening and closing sequence music. Come on a journey like no other, where you will discover many rogues that will lead you to a happier, healthier, and more stress-free life. And the beauty is, you don't need any vacation time for this adventure. The journey will come to you. Join Avery Rich on your very own journey into yoga. Along the way, she will demystify yoga poses and guide you into a yoga posture or short sequence, all in less than 15 minutes. You have nothing to lose but stress. The Journey into Yoga podcast. It's not for people who like yoga. It's for people who don't like yoga. Follow or subscribe on Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, or at averyrich.com. I'm Jeff Woods, and I'm shining a light on music and the rock stars who make it. He just was one of those people. He stood out. He was a magic guy. He really was a magic guy. We all have force. He had the same amount of force as we all have. This was before Led Zeppelin. Robert was full on. I mean, he was Led Zeppelin without the band behind him. He had the hair, the jeans, the whole thing, you know. And he was amazing. The Records and Rockstars podcast, heard around the world and yours to hear wherever you get podcasts. All the episodes from JeffWoodsRadio.com. The Podcast Super Friends is a monthly meeting of five podcast producers. Hi, I'm Catherine O'Brien from Branch Out Programs in Baton Rouge, Louisiana. I'm John Gay from Jaggin' Detroit Podcasts. I'm Matt Kundle from the Sound Off Podcast Network. I'm David Yes from Pod 617, the Boston Podcast Network. And I'm Johnny Peterson from Straight Up Podcasts. Together, they form the Podcast Super Friends, an alliance of podcast masterminds sharing best practices, insights, and discussions to help make you a better podcaster. Follow or subscribe to the show on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, or at soundoff.network. We are grateful to the Cryer Media Network for its support, Pete Jarvis for our artwork, and Paul Joseph Something for our opening and closing sequence music.